les clés, on a le pouvoir. Propriétaire, bois du noir, on a les clés, mais la porte est trop petite. On a le pouvoir, mais le monde est trop pourri. We got the keys, we got the power. We got the keys, we got the power. Mon corps blanc mince comme la fumée d'une vogue. Sans filtre partout, mais je suis fiché nulle part. Pourtant je prends pas mes précautions quand je fais du cri. Du sale. La police est suprémaciste, transmisogyne. Les salauds. Me vois plus blanche que neige comme Balkany. Plus souvent fumé que futé, c'est ma destinée. C'est ça, oui. Vu que les keufs croient que des mythos. Tu mytho, je vais ce qui te fait la victime. Rassure mes airs qui pas le fou. Avoue le vaut mieux la vie que la morale ou la vérité. La vérité, c'est que mes faux sont sans défaut. Et que c'est le proto qui me fait glousser. Pas les propos sans. Comme un coquin, les manigances, ça me fait kiffer. Peut-être juste parce qu'on s'ennuie ici. Fais froid chez moi, mais y'a trop de gens chez moi. Je me suis pas vu à poil depuis 4 mois. Je quitte ma doudoune que dans mon lit. Ça va faire 2 ans que je suis en low batterie. Je ratisse l'air à gauche, ratisse le ma gauche. Je traîne avec les rats sur un sol. Je prends l'eau, les murs sont moisis. On dirait des glitches. Le matin aussi, et j'y dors avec mes bitches. J'ai vérifié. Sur le PV, y'a des ratures sur mes deux choses. Bref, en état d'ébriété, atteinte à la propriété. Sans S. Et elles ont oublié le S. Défoncé comme la porte, j'ai abusé, mais peu importe. Aux caméras, je fais des gestes un peu sales. Ça chauffe sécurité, si se croit sur bazookam. Au cœur de ces lieux vides, on féconde des phénix. Le vide appelle le plan et le plan appelle le vide. Plein de ressources sous nos pupilles livides. Pas de trajet à vide, et sans on est à vide. On habite ce que tu laisses, suivre les bizarroïdes. Dans la cuisine, je vois pas le bout de la table. Tous nos déplacements sont remarquables. Esprit d'équipe, les problèmes sont collectifs. Ça fait plus de galères, mais plus de cerveau actif. J'ai vérifié. On a les clés, on a le pouvoir. Propriétaire, bois du noir. On a les clés, mais la porte est trop petite. On a le pouvoir, mais le monde est trop pourri. We got the keys, we got the power. We got the keys, got the power. Comme la sœur Carte, je peux pas vivre entre quatre murs. Ouais, j'ai croqué champignons salés qui dimange-moi encore et j'ai trop grandi. Je passe plus dans tes trois ni dans tes quatre. Mais mes purées, c'est hardcore, c'est plus étouffant que des droits. Aucun ascenseur en panne. Les yeux plus gros que le ventre, comme sur Instagram, ça m'irait bien. Ça t'irait bien. D'avoir le parc de Laken pour garer ma vago en rade et l'atomium au plafond dans la salle de bain. Quand j'étais petite, je voyageais sur Google Earth. Maintenant, je fais du repérage sur Google Maps. On chasse les bâtiments comme tu chasses les promotions. On sillonne la ville pour trouver maison. Bonne solution. Pour ce capitule à des frissons, la 404 soit l'aristocratie indus et ses buissons dans le buis. Écoute, même si c'est un peu crade, ça occupe pour s'occuper. Petit café décompression. T'es un burn-out, je te conseille la vacance immobilière. Ça tirait bien. Ça tirait bien. Sorry, je suis en boucle comme un poisson, mais ça tirait bien. Comme ça, je peux pas tout dire à ma daronne, ni à celle qui bûche sur les études de genre. Mais je préfère 1000 fois vivre un incendie qu'un after work. Et au moins 2 fois par jour, je me félicite. Quand la nuit se lève et quand elle s'endort. On a les clés, on a le pouvoir. Propriétaire, roi du noir. On a les clés, mais la porte est trop petite. On a le pouvoir, mais le monde est trop pourri. On a les clés, on a le pouvoir. Propriétaire, roi du noir. On a les clés, mais la porte est trop petite. On a le pouvoir, mais le monde est trop pourri. We got the keys, we got the power.